tout semble s'effondrer quand nos cœurs sont brisés. Une douce voix résonne, elle apaise et nous raisonne. C'est la voix de notre Sauveur qui unit nos cœurs dans l'amour. Une famille unie dans la prière, sous l'aile du Père on espère. Écoutons la voix de Jésus qui nous appelle tous à genoux. Dans l'unité et la foi sincère, nous sommes une famille de prière. Les cieux s'ouvrent, les cœurs s'élèvent. Dans sa lumière tout se relève. La voix de Jésus douce et claire nous rassemble, une famille de prière. Dans les tempêtes, il est là. Sa voix guide chacun de nos pas. Il nous tend la main avec grâce. Il console, il nous enlace. Avec lui, pas d'abandon. Son amour est notre fondation. Dans nos chants et nos louanges, Jésus construit ce lien qui change. Écoutons la voix de Jésus appelle tous à genoux. Dans l'unité et la foi sincère, nous sommes une famille de prière. Les cieux s'ouvrent, les cœurs s'élèvent. Dans sa lumière tout se relève. La voix de Jésus douce et claire nous rassemble, une famille de prière. Une prière pour la paix et le pardon. Une voix qui nous unit pour porter l'espoir dans nos vies. Avec Jésus, rien n'est perdu. Son amour nous rend invincibles. Écoutons la voix de Jésus qui nous appelle tous à genoux. Dans l'unité et la foi sincère, nous sommes une famille de prière. Les cieux s'ouvrent, les cœurs s'élèvent. Dans sa lumière tout se relève. La voix de Jésus douce et claire nous rassemble, une famille de prière. Oui, la voix de Jésus Jésus, nous sommes en prière.